Chapitre 33e, les courses de Chilton. Ceux qui étaient venus pour les courses aux environs de Chilton ouvrirent les yeux sur un brillant soleil le 6 août. Le ciel était si bleu et si pur qu'on ne pouvait le regarder sans clignoter des yeux. Il couvrit d'un rideau d'azur la pelouse de Chilton. Quelques esprits mécontents, vexés de la joie générale, disaient tout bas que le temps était trop beau pour durer et qu'il y aurait probablement de l'orage avant la nuit. Mais les plus joyeux, les plus avides de plaisir, défiaient ces mauvais augures et, montrant la route blanche et poussiéreuse, les rayons du soleil et la nuit brillante, demandaient si c'était là des signes de pluie. Il y avait certainement une grande quantité de poussière sur les routes conduisant à la pelouse de Chilton. Mais que sera la route d'Epsom à Londres quand les paris ont été gagnés et perdus, sans un peu de poussière? Donc, les fermiers de Sussex conduisaient gaiement leur charbon et leur tilbury à travers les nuages blancs qui s'élevaient sous les pieds de leurs vigoureux chevaux, et les femmes de fermiers se résignaient à gâter leurs jolis chapeaux achetés tout exprès pour les courses. La première course eut lieu à 1 heure, et à 1h05 exactement, au moment où le numéro du cheval gagnant fut hissé, et où les fermiers perdants et les fermiers gagnants échangeaient leur argent dans l'enceinte sacrée, au pied des tribunes, généralement connues sous le nom de « ring », le drague de Sir Rupert Lissell arrivait sur le champ de course conduit par le major Barney. Le baronnet était assis à côté de lui, tandis qu'à une des portières de la voiture, belle et hautaine, apparaissait la figure sévère d'Olivia Lissell. Elle ne manquait jamais de se montrer à ses réunions publiques. C'était dire à tous « On prétend que je mène une vie malheureuse avec mon mari. On dit que je me suis vendu pour une fortune qui ne peut me donner le bonheur, et pour un titre que je porte comme un fardeau et une honte. « Regardez-moi, et voyez avec quelle hauteur je porte cette grandeur que mon mari ne peut pas porter. » Deux de ses sœurs étaient avec elle dans la voiture du baronnet. Leurs figures pâles et leurs cheveux clairs aidaient à mettre en relief la brune et brillante beauté d'Olivia. Elles étaient au monde pour la faire ressortir, et elles le savaient, et elles la haïssaient, parce qu'il en était ainsi. Leurs manières insipides, leur grâce de pensionnaire, ne faisaient que rendre plus charmante sa vivacité. Peut-être était-ce une consolation pour elle de penser qu'avec tous ses avantages, leur sœur n'était pas heureuse. Elle pouvait suivre l'éclat fiévreux de ses yeux remuant sans cesse, la contraction nerveuse de ses lèvres, le désir perpétuel de changer de place, d'avoir de la société qui l'enleva à son intérieur et pour ainsi dire à elle-même. Les hommes s'empressèrent autour de sa voiture dès qu'elle parut sur le champ de course. Elle pouvait rire et parler plus gaiement qu'aucune autre. Les femmes des fermiers, qui n'avaient d'autre souci que leur ménage et leur étable à cochons, n'étaient guère plus radieuses et ne semblaient pas plus heureuses qu'elles. Quelques officiers de Brighton étaient venus à cheval jusqu'à Chilton. D'éblouissants dragons qui couraient à droite et à gauche pour trouver quelqu'un qui pût les présenter à Lady Lissell et qui demandaient ensuite si le cadet assis sur le siège à côté de Barney, de l'honorable compagnie des Indes orientales, était bien réellement Sir Rupert. Des bohémiens et des bohémiennes étaient en grand nombre. Des visages bruns encadrés de chapeaux bleus ou jaunes allaient venaient au milieu des voitures. Il y avait des enfants aussi, de jolis petits bohémiens auxquels les femmes donnaient tantôt une pâte de homard, tantôt une pile de sandwich, une pièce de 6 pence ou un verre de champagne, chose plus facile à se procurer sur le champ de course de Chilton qu'une gorgée d'eau fraîche. Abraham et les autres hommes allaient venaient au milieu des voitures, prêts à tenir un cheval ou à brosser l'habit d'un gentleman ou à faire n'importe quoi pour une pièce de 6 pence. Chose étrange à dire, John Andrews, le vagabond, refusa de se joindre à eux et de se montrer sur le champ de course. « J'ai mes raisons, dit-il, et elles sont excellentes. Ainsi, soyez tranquille. Je travaillerai au paillasson, où je ferai tout ce que vous me donnerez à faire sous la tente, mais je ne sortirai pas tant que dureront les courses. » Il tint parole et resta couché la moitié de la journée dans le coin retiré où les bohémiens avaient planté leur tente. Parmi la brune tribu, Britannia allait et venait. Elle avait l'air étrangement fatiguée et défait. Elle portait un chapeau tout chiffonné, chargé de fleurs artificielles grossières, de dentelles et de rubans. Il semblait qu'une fascination étrange la retint dans le voisinage de la voiture de Sir Rupert. Si elle quittait cet endroit pendant quelques minutes pour tâcher d'exercer son métier dans une autre partie du champ de course, elle semblait y être ramenée par une force irrésistible. Olivia la reconnut et lui fit signe d'approcher. « Vous étiez ici l'an dernier ?»« Oui, milady. » « Comme vous êtes changé. Avez-vous été malade ?»« Oui, milady. Très malade. Oui, milady. Plus malade d'esprit que de corps. Je me suis usé de jour en jour. j'ai vu consumer ma propre chair par la fièvre et la douleur. Et ce n'est que ce matin, en mettant une robe que je n'avais pas mise depuis 12 mois, que j'ai su combien j'étais changé. Pauvre créature, c'est bien triste. Mais où est votre sœur, votre jolie sœur, qui vous ressemblait tant? Elle était plus belle que moi, milady, interrompit la bohémienne. Oui, elle était bien belle. Une des plus belles femmes que j'eusse jamais vues. Vous souvenez-vous d'elle, Laura? Ajouta Lady Lestrade en s'adressant à sa sœur aînée. Mais pourquoi n'est-elle pas ici cette année, ma bonne fille? Parce qu'elle est morte, milady, dit la bohémienne en serrant les dents, et ses joues devinrent d'un blanc mat. Morte? Oui, milady, morte, noyée dans un fossé, pas bien loin d'ici. Il y avait quelque chose d'extraordinaire dans le visage de la jeune bohémienne, une étrange et terrible signification dans sa voix, qui fit éprouver une vague terreur à Lady Olivia. S'est-elle noyée elle-même, la pauvre enfant? Demanda-t-elle, en devenant presque aussi pâle que la jeune fille. Non, milady. Non? Qui l'a noyée alors? Comment cela est-il arrivé? Dites-le-moi. Dieu sait qui a commis le crime, mais nous aussi, nous ne le savons que trop bien. Mais le monde ne le saura jamais, parce que c'est un monde cruel et faux, et que les oreilles des hommes sont sourdes au crime d'un beau et riche gentilhomme. Je suis bien fâché d'apprendre cela, dit Olivia en glissant un souverain dans la main de la jeune fille. Je ne saurais dire combien cela me fait de peine. Elle dit cela à la bohémienne en toute sincérité, et elle fut sérieuse et pensive tout le reste du jour, à tel point que les lourds dragons de Brighton se dirent les uns aux autres que cette superbe créature, que Lady Lestrade, paraissait malheureuse, et que, probablement, son mari la maltraitait. Après quoi ils se consolèrent en regardant malicieusement Sir Rupert au travers de leur lorgnon, qui faisait horriblement grimacer leur figure. Et ils se réjouissaient lorsque, ne voulant se laisser guider que par son propre jugement, il pariait invariablement pour le plus mauvais cheval de course. Pauvre fille, disait Olivia à ses sœurs, pauvre fille, elle était si belle, si pleine de vie et d'entrain l'an dernier, et pensait qu'elle eut un sort aussi cruel par le fait de quelques misérables encore. Grand Dieu, que la terre est odieuse, elle ne semble peuplée que de misérables. Plus tard, pendant les préparatifs de la dernière course, Britannia, la bohémienne, s'approcha de la voiture pendant que Sir Rupert se tenait debout à la portière, le coude appuyé sur les coussins. Il ne parlait pas à sa femme, il ne la regardait même pas, car il osait à peine faire l'un ou l'autre. Mais il se posait à côté d'elle pour proclamer, pour ainsi dire, qu'elle était à lui, aux yeux de la foule admiratrice. Il pâlit en voyant la jeune bohémienne venir à lui. Il ne l'avait pas vue depuis ce jour-là. Il se sentait d'autant plus faible que le major Varney s'était éloigné pour aller fraterniser avec les officiers de Brighton, dont quelques-uns lui étaient connus. « Vous dirai-je votre bonne aventure, mon beau monsieur ? » demanda-t-elle en regardant fixement le baronnet. « Non. »« Quand même, la bohémienne pourrait vous dire toutes sortes de choses étranges ? » dit-elle avec intention. « Quand même, elle pourrait vous dire ce qui s'est passé comme ce qui est à venir ? » ?»« Oh, monsieur !»« Le crime est le passé, le bagne est l'avenir, le meurtre se fait jour, si tout reste muet. »« Qu'est-ce que cela ?» s'écria ce reporter avec fureur. « Un petit bout de poésie, voilà tout, mon bon monsieur. Nous autres bohémiennes, nous savons un tas de choses. Laissez-moi vous dire votre bonne aventure. »« Non !» dit le baronnet. « Je vous dis que non !»« Ne pouvez-vous pas vous contenter d'une réponse quand on vous en fait une ? C'est de l'argent que vous voulez sans doute, de l'argent pour ne rien dire que des niaiseries dont se soucient seulement les sots. Prenez, alors y allez à vos affaires !» Il tira un souverain de sa poche et le tint sur sa main gantée. La bohémienne s'élança sur lui comme une jeune tigresse, fit tomber la pièce à terre et cracha dessus. « Voilà comment je reçois l'or de vos semblables » cria-t-elle. La foule regardait dans l'étonnement cette scène étrange. La bohémienne hors d'elle-même, le baronnet rouge et pâle, tour à tour et tremblant de rage, Lady Lestrade regardant par la portière avec un calme glacial. « Curtis !» dit Sir Rupert à l'un de ses grooms qui était occupé à charger les paniers. Curtis, allez me chercher un policeman, que je fasse arrêter cette femme. » Le groom courut de l'autre côté de l'arène où il apercevait le chapeau luisant d'un policeman. La gypsy ne bougea pas un instant. Elle ne semblait même pas avoir entendu l'ordre donné par Sir Rupert à son valet. Elle resta debout et calme, les yeux fixés à terre. « Qu'allez-vous faire, Sir Rupert Lestrade ? » demanda Olivia en regardant son mari en face. « Faire arrêter cette femme. Pourquoi ? Pour m'avoir insulté. » répondit-il de sa voix lente, en continuant à rougir et à pâlir alternativement. « Je connais cette femme, » dit Lady Lestrade avec calme, « et j'ai connu sa sœur. J'ai entendu le récit de la mort de la pauvre fille. Vous ne ferez pas arrêter cette femme, sœur Rupert. » Pourquoi non ? Parce que je ne le veux pas, et parce que je sais la part que vous avez prise dans... Qu'elle s'en aille alors ! Dit Sir Rupert. Curtis, dites au policeman qu'on n'a pas besoin de lui. Ma femme a le cœur si tendre qu'elle préfère voir insulter son mari plutôt que de prendre son parti. Allez vos affaires, ajouta-t-il en se tournant furieux vers la bohémienne, et qu'on n'entende parler ni de vous, ni de votre sœur, ni d'aucun de vos mendiants, vous entendez ? J'entends, répondit la jeune fille. Il y en a d'autres à entendre. Elle s'éloigna, mais après avoir marché quelques pas, elle revint auprès du baronnet et lui dit à voix basse. Sir Rupert Lessel, n'avez-vous jamais peur ? Ne vous éveillez-vous jamais dans la nuit sombre et silencieuse, avec une sueur froide sur le front, et ne voyez-vous pas alors un visage pâle, glacé, humide, fixé sur vous dans l'ombre de votre lit ? Moi, je vois souvent ce visage dans l'ombre et dans la lumière. Et si cette apparition est terrible pour moi, que doit-elle être pour vous ?